إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتفقهوا في دينكم وكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا المراد بالتوحيد هو توحيد العبادة وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما في سورة الأعراف وهود وغيرهما وقال الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده وترك عبادة ما سواه ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوهم الثاني وهي العبادة قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وقال أيضا والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته فالحب الخلي عن الذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين وقال أيضا وأما ما خلق له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية فذلك مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يخبر الله سبحانه وتعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة ما زينه الشيطان لهم وأوقعهم من عبادة ما سواه فمنهم من هدى الله ووحد الله تعالى بالعبادة وأطاع رسله ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا التوحيد الذي خلق له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية هو توحيد الإلهية توحيد القصد والطلب وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد وأكثر الأمم قد أقروا به لله وأما توحيد الإلهية فأكثرهم قد جحدوه كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال وجئتنا لنعبد الله وحده وقالوا مشرك قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وهذه الآية وهي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تبين معنى الآية التي قبلها وكذلك الآية التي بعدها وأن المراد بالعبادة التي خلق لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا ما كان فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه فمنهم من فعل ومنهم من أشرك وكفر كما قال تعالى في هذه الآية فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له وأرسلت الرسل لأجله ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به رسله وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه فمنهم من أطاع وهم الأقلون ومنهم من عصى وهم الأكثرون وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسل وأنزل به كتبه وأمر الرسل أن يقيموه كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك والقرآن كله في هذا التوحيد وبيانه وجزاؤه والرد على من جحده كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار فقال سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وذكر الحج ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فدل على أن الإسلام هو التوحيد والفرائض من حقوقه وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال وهو مقتضي الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن وشهادة أن محمدا رسول الله. فمعنى شهادة لا إله إلا الله نفي الشرك والبراء منه وممن فعله، وإخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بالرسول وطاعته، وهو معنى الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله. فوفسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به، فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثني في كلمة الإخلاص. وقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك في العبادة. فدلت الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح بدونه أصلا، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتقديم المعمول يفيد الحصر، أي بل الله فاعبد وحده لا غيره، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، كما قال العلام ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وتقدم أصل وأساسه توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. Serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah. Craignez Allah comme il se doit et il vous donnera la bonne compréhension de l'islam, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont Allah lui veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de l'islam. Serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez. Sachez qu'Allah Azza wa Jal nous observe tous constamment. Et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens des versets que je vais citer, Inch'Allah: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah Azza wa Jal a dit: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah Azza wa Jal a dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du taghout. Donc le taghout, comme on l'a vu plusieurs fois, c'est tout ce qui englobe, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Cela, c'est le taghout. Donc Allah Azza wa Jal a dit: nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du taghout. Et Allah le Très-Haut a dit: et ton Seigneur a décrété: n'adorez que lui et marquez de la bonté envers les parents. Et Allah Azza wa Jal a dit: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé adorer Allah et ne lui donner aucun associé. L'adoration, ça ne consiste pas juste, on fait la salate. L'adoration, c'est cette croyance que l'on a. C'est-à-dire, l'adoration, elle implique même lorsque tu es dans le bus et que dans certains bus, dans certaines villes, ils mettent des écrans avec les horoscopes qui défilent. Si tu lis ces horoscopes-là, ça équivaut à ce que tu es parti voir un devin. Et celui qui est parti voir un devin, sa salette n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et s'il croit en ce qu'il a dit, il a mécru en ce qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que les savants de la Ummah, de la Sunna, ont dit que celui qui rapporte un magazine dans lequel il y a des horoscopes, ou des journaux dans lesquels il y a des horoscopes, qui le fait rentrer dans sa demeure, c'est comme si qu'il a fait rentrer dans sa demeure un devin. Qu'Allah nous en préserve. Donc l'adoration, ce n'est pas juste la prière. La prière fait partie des actes d'adoration. Mais c'est également le fait que tu invoques autre qu'Allah. Tu places ta confiance en autre qu'Allah. Tu crains une chose comme tu crains Allah. Ou tu as peur que le vendredi 13, il va se passer quelque chose parce que c'est le vendredi 13. Tout ça, c'est donner des associés à Allah. Car c'est croire qu'autre chose en dehors d'Allah peut avoir un impact sur ta vie. Subhanallah. Alors que c'est qu'Allah Azza wa Jal seul qui a tout décrété et il ne t'arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Et tout ce qui ne t'a pas été décrété ne te touchera pas. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a informé. Donc tous les actes d'adoration, que ce soit en termes d'invocation, ou la crainte, ou l'amour, ou la peur, d'accord ? Il y a une peur, yani, que tu crains un lion, tu crains des animaux féroces, yani tu crains, yani c'est pas cette peur-là, mais c'est cette crainte qui est à l'intérieur, qui est cachée. Yani comme certains, lorsqu'ils vont dans certains pays, au niveau des tombes, et qu'il y a un mort, et ils ont peur que ce mort-là, eh bien, il risque de leur apporter un malheur. C'est cette crainte-là. C'est craindre cette chose-là comme on craint Allah. D'accord ? Lorsqu'on dit l'adoration, tu dois adorer, tu dois ne t'en remettre qu'à Allah, tu dois invoquer qu'Allah, tu ne dois craindre qu'Allah. D'accord ? Et si tu crains Allah, Allah te donnera une provision d'où tu n'imaginais même pas et te donnera une solution à ton problème. Donc, Allah Azza wa Jalla a dit, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les parents. Et Allah Azza wa Jalla a dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Ce qui est voulu par le tawhid, ce qu'on peut traduire par le pur monothéisme, c'est-à-dire que tu unifies Allah Azza wa Jalla dans l'adoration, c'est-à-dire que tu n'adores qu'Allah, tu ne t'en remets qu'Allah, tout ce que j'ai mentionné précédemment. Tous les actes d'adoration, tu ne t'en remets qu'à Allah Azza wa Jalla seul. Tu sais que seul Allah Azza wa Jalla peut t'aider, seul Allah Azza wa Jalla peut te donner une solution à tel ou tel problème. Seul Allah Azza wa Jal peut te donner de la subsistance, des enfants. Yani, Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Donc ce qui est voulu par le tawhid, le pur monothéisme, c'est tawhid al-ibada, c'est-à-dire le pur monothéisme dans l'adoration. L'unicité d'Allah dans l'adoration. Parce qu'on sait que le tawhid est constitué de trois catégories, qui est l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Tu sais que Allah c'est le seul créateur, seul lui qui fait tout ce qu'il veut, seul lui qui entend, qui voit tout, yani, c'est qu'Allah Azza wa Jalla fait ce qu'il veut, ça c'est le tawhid de la seigneurie. Et aussi le tawhid de Asma wa Sifat, des noms et attributs. Donc tawhid de la seigneurie, qu'Allah il est unique dans cela. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir, rien ne lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. C'est-à-dire nous on s'entend là. Cependant on ne sait pas ce que, dans les bâtiments d'à côté, ce que les gens disent, on ne sait pas. Alors qu'Allah Azza wa Jal sait tout ce que les gens pensent et tout ce que les gens disent, peu importe sa place sur la planète. Yani, même s'ils invoquent tous en même temps ce qu'ils veulent, Allah Azza wa Jal sait ce qui a dit quoi. Allah Azza wa Jal est unique dans cela. D'accord ? Ça c'est un exemple parmi donc, le tawhid des noms et attributs. Qu'Allah Azza wa Jal est unique en cela. Et le troisième type de tawhid, c'est tawhid al-ibad. Ou ce que vous pourrez lire aussi dans certains ouvrages, tawhid al-uluhiyya ou al-ilahiyya. C'est le tawhid de l'adoration. D'accord ? Donc ce qui est voulu par ce tawhid-là, c'est tawhid l'ibad, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et chaque messager a débuté sa da'wa, son invitation à l'islam, par cette catégorie de tawhid. Adorer Allah, ça c'est tawhid l'ibada. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à adorer en dehors de lui. La parole d'Allah, le Très-Haut, dans la traduction du sens, « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent », prouve qu'Allah, le Très-Haut, a créé les créatures pour une importante sagesse, qui est d'établir ce qui incombe aux créatures à n'adorer uniquement qu'Allah et à délaisser et renier toute forme d'adoration pour autre qu'Allah. Donc Allah a créé les créatures afin que celles-ci se mettent à unifier Allah Azzawajal dans l'adoration et à se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit à ce sujet, l'adoration est un nom regroupant tout ce qu'Allah aime et agrée, comme propos et actes, apparents et cachés. Et il a également dit, et l'adoration est un nom qui regroupe le plein amour pour Allah et la pleine humilité vis-à-vis d'Allah. Donc l'amour sans humilité et l'humilité sans amour n'est pas une adoration. Mais l'adoration est ce qui regroupe les deux, c'est-à-dire l'amour et l'humilité. C'est-à-dire le plein amour en Allah avec la pleine humilité vis-à-vis d'Allah le Très-Haut. Et il a également dit, rahimahullah, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, le fait qu'ils ont été créés par amour et agrément d'Allah, cela est la volonté religieuse. Ce qu'Allah a légiféré. Et c'est ce qui est mentionné dans la parole d'Allah le Très-Haut, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. La parole d'Allah Azzawajal, dans la traduction du sens du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Allah le Très-Haut nous informe qu'il a envoyé à chaque siècle et à chaque communauté, à chaque nation, un messager qui les invite à adorer Allah seul et qui leur interdit l'adoration vouée à autre qu'Allah, qui est une adoration embellie par le diable. Comme certains dans certains pays, ils font un soujoud à leur cheikh. Il est debout et ce charlatan, il marche, il fait comme ça, il marche. Et avec sa comédie, il dit à des gens de s'élancer par terre en faisant des signes comme ça avec son bâton. Et eux, ils s'élancent pour faire croire qu'il a une force. Sans les toucher, il les fait tomber. Et les gens croient à une certaine divinité de cette créature-là. Qu'il suffit qu'il ait touché par la fièvre, il reste 2 semaines au lit cloué. Et certains font un soujoud à leurs pieds, ou les embrassent, ou ils ont peur qu'ils risquent de leur faire quoi que ce soit. Ça, c'est une adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Et c'est du shirk akbar majeur. Ça veut dire que l'individu qui fait ça n'est plus musulman. Ça veut dire pour redevenir musulman, il doit se repentir et redire les 2 attestations de foi en y croyant sincèrement et en se désavouant de tout ce qui est associé avec Allah Azza wa Jal. Vous voyez le danger ? Donc, la parole d'Allah Azza wa Jal, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah, écartez-vous du Tarout ». Donc Allah Azza wa Jal a envoyé à chaque siècle, à chaque temps, à chaque nation, chaque communauté, un envoyé, un messager qui les invitait à adorer Allah Azza wa Jal seul et à se désavouer et à mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il y en a donc qu'Allah Azza wa Jal a guidé et qui ont ainsi unifié Allah Azza wa Jal dans l'adoration et qui ont suivi les messagers et d'autres qui ont été destinés à l'égarement et se sont mis à associer à Allah d'autres divinités dans l'adoration. Alors que l'adoration doit être vouée uniquement, exclusivement à Allah Azza wa Jal. D'accord ? On se rappelle que la divinité, il est. On dit qu'il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. On les appelle divinités comme Allah Azza wa Jal les a nommées. Mais, on dit que ce sont des fausses divinités. Ce sont des divinités, pourquoi ? Car les gens les adorent. Mais elles sont fausses, elles ne méritent en rien l'adoration. Car ce sont des créatures. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Allah Azza wa Jal, seul lui mérite l'adoration en toute vérité. Donc ceux qui ont été destinés à l'égarement et qui se sont mis à associer à Allah, donc certains qui ont reçu le messager, ils ont accepté sa da'wa, ils l'ont suivi, ils se sont mis à unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration, d'autres ont refusé et se sont mis à associer à Allah Azza wa Jal, d'accord, et ont suivi la voie du diable. Ils n'ont pas accepté la guidée d'Allah, dont est venu avec les messagers d'Allah le Très-Haut. Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, excepté que nous lui avons, que nous lui ayons révélé, point de divinité digne d'adoration, toute vérité en dehors de moi, adorez-moi donc. Et ce tawhid pour lequel ils ont été créés et ont été invités, c'est le tawhid dans l'adoration, qui est le tawhid du but et de la demande, tandis que tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, et tawhid al-Asma aussi fait, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, représente le tawhid de la connaissance et de la croyance. Et la majorité des nations ont confirmé, ils ne l'ont pas renié, ils l'ont confirmé ce type de tawhid d'Allah. Mais c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration dont la majorité ont renié. Tel qu'Allah le Très-Haut a dit concernant le peuple de Houd, lorsqu'il leur dit, dans la traduction du sens des versets, il y en a 65 à 70 de Sourate Al-A'raf, « Et au Had, leur prophète Houd, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous, pas d'autre divinité digne d'adoration en toute vérité que lui. » Ils dirent, « Es-tu venu, il y en a dans la suite des versets, « Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul ?»« Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient ?» Et les associateurs, les polythéistes, parmi le peuple de Quraysh, ont dit « Réduira-t-il les divinités à un seul ?» Voilà une chose vraiment étonnante. Et ce verset qui est la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens, « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah » et écartez-vous du tarout, clarifie les versets cités que j'ai cités précédemment et ceux qui ont suivi. C'est l'adoration sincère, donc ça clarifie ce qui est voulu donc par l'adoration pour laquelle ils ont été créés. C'est l'adoration sincère qui n'est pas du tout entachée par de l'associationnisme dans l'adoration à autre qu'Allah. Ça veut dire une adoration pure, pas mélangée avec du shirk, pure. Quoi que tu fasses, c'est pour Allah. Même lorsque tu pries, tu te fiches si les frères te regardent ou pas. Tu renoues ton intention que tu le fais que pour Allah. Et non pas tu vas embellir ta salette car des frères te regardent. Tu te rappelles, tu dois le faire que pour Allah. Si tu le fais pour autre qu'Allah, ton œuvre n'est pas acceptée. Donc les œuvres ne sont donc pas valides et ne sont pas correctes, excepté si est joint à ces œuvres le désaveu de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Pour que l'œuvre elle soit valide, elle soit correcte, tu dois te désavouer des adorations qui sont vouées à autre qu'Allah. Et Allah le Très-Haut a créé les djinns et les humains que pour qu'ils l'adorent. Il y en a donc qui ont unifié Allah dans l'adoration et se sont désavoués de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il y en a d'autres qui ont associé à Allah et ont mécru, tel qu'Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens, « Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. » Et Allah le Très-Haut a dit, « Et nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. » Cela montre que la sagesse du Seigneur, yani Allah Azza wa Jal, dans sa création des djinns et des humains, n'implique pas que tous se mettent à appliquer ce pourquoi Allah Azza wa Jalla les a créés et ce pourquoi les messagers ont été envoyés. Et de par sa sagesse, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla a créé les djinns et les humains. Cependant, vous verrez, il y a des gens, ils ne vont pas adorer Allah. Et ils vont associer à Allah. Ils vont même insulter Allah dans certains pays musulmans. Yani subhanallah, il va insulter Allah et il va insulter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il va se dire qu'il est musulman. Yani, il y a des gens qui vont adorer Allah. Ils vont prier, ils vont adorer Allah, ils vont unifier Allah dans l'adoration. Et il y en a d'autres qui ne vont pas adorer Allah et qui vont refuser d'adorer Allah et qui vont même combattre cela. Yani, ça fait partie de ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Il a légiféré cela. Maintenant, l'individu, pourquoi Allah Azza wa Jal, si Allah Azza wa Jal est bien fait que quelqu'un est destiné à l'égarement, c'est parce qu'il sait Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est juste. Il sait que tel individu, lui, il veut le haq, il veut la vérité. Il recherche la vérité. Allah le guidera vers la vérité. Parce qu'il sait que lui, il veut la vérité, il l'aime. Tandis que l'autre, qui n'aime pas la vérité, et qui la combat, et qui est arrogant lorsqu'on lui ramène les preuves, eh bien, il ne s'en voudra qu'à sa propre personne. À chaque fois qu'on lui fera des rappels, il devient arrogant, il devient orgueilleux, et il combat même la vérité, eh bien, il est destiné à l'égarement. Donc, ceux qui ne l'unifiaient pas dans l'adoration, et ceux qui n'adoraient pas Allah seul, et qui n'ont pas accepté ce dont est venu avec les messagers d'Allah, Allah Azza wa Jal a donc légiféré à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ceux qui l'ont suivi, de les combattre. Ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui combat donc ces individus, comme il y a eu, vous trouverez ça dans la biographie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans les différentes razawettes. Donc il y en a de ceux qui ont obéi, ceux-là sont les minoritaires. Et il y en a de ceux qui ont désobéi, ceux-là sont les majoritaires. Et ce tawhid, tawhid de l'adoration, c'est la religion de l'islam, dont Allah n'accepte de personne une autre religion en dehors de l'islam, comme a dit l'honorable, le fils de l'honorable, le fils de l'honorable, le fils de l'honorable, alayhim salam. Ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari dans son sahih. Il a cité Yusuf alayhi salam comme étant l'honorable, le fils de l'honorable, le fils de l'honorable, le fils de l'honorable. Ça veut dire Yusuf alayhi salam, c'est le fils de Yaqub, qui est le fils de Ishaq, qui est le fils de Ibrahim alayhi salam. Donc comme Yusuf a dit, ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens, le jugement n'appartient qu'à Allah, il vous a ordonné de n'adorer que lui. Cela est donc la religion par laquelle Allah a envoyé ses messagers. Le jugement n'appartient qu'à Allah, il vous a ordonné de n'adorer que lui. Donc cela est donc la religion par laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé ses messagers, a fait descendre ses livres et il a ordonné les messagers de l'établir tel qu'Allah le Très-Haut a dit. Dans la traduction du sens, il vous a légiféré en matière de religion ceux qu'il avait enjoint à Nuh, Noé, et ceux que nous t'avons révélés, ainsi que ceux que nous avons enjoint à Ibrahim, Abraham, à Moïse, Moussa, et à Jésus, Isa, Isa. Établissez la religion et ne vous y divisez pas. Et Allah le Très-Haut a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis, il m'a seulement été ordonné d'adorer Allah et de rien lui associer. Et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les gens et c'est vers lui que sera mon retour. Il lui a donc ordonné de l'adorer seul et d'inviter la communauté à cela. Et tout le Coran porte sur le tawhid, sa clarification, sa récompense et la réfutation de ceux qui le renient. Tel qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Et dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, qui a été rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, et ce hadith est authentique, Mu'ad radiallahu anhu a dit, oh, envoyé d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et m'éloignera du feu. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, tu viens d'interroger sur une affaire énorme qui est pourtant aisée pour qui Allah l'a rendue aisée. Tu adores Allah sans rien lui associer. Tu t'acquittes de l'aumône légale qui est la zakat. Tu jeûnes le mois de Ramadan et tu fais le pèlerinage. Puis il dit, veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, son squelette et son sommet? Bien sûr que oui, ô envoyé d'Allah. La tête de l'affaire, c'est l'islam. Son squelette, c'est la prière. Et son sommet, c'est le jihad. Et ici, à chaque fois que je mentionne ce terme, je me dois de le clarifier. Le jihad fait partie de l'islam. Mais ce qu'on entend dans les médias, lorsqu'ils les appellent les djihadistes, entre guillemets, ce ne sont pas des djihadistes. Il faut les appeler par leur nom. Ce sont des terroristes, des chiens de l'enfer. Et par Allah, si je connais un individu qui s'affilie à cette secte ou qui tente d'essayer de commettre quelque attentat que ce soit, par Allah, je le dénoncerai. Ceci est le conseil des savants de la sunna qui ont mis en garde, car ces individus-là combattent l'islam. Et font en sorte que la religion d'Allah soit la plus basse. Donc ceux-là ne sont pas dans un jihad, mais ils sont dans des actes de terrorisme, de traîtrise et de lâcheté qui n'a rien à voir avec la religion de l'islam. S'ils lisaient et s'éduquaient dans la religion de l'islam Et lisez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. La première chose qui sera jugée entre les gens le jour de la résurrection, c'est sur le sang qui a coulé. Subhanallah. Y a-t-il quelqu'un qui lit ce hadith qui oserait faire du mal à une mouche? Donc, barakallahu fikum, le jihad fait partie de l'islam. Mais ce que vous voyez, ce n'est pas du jihad. Ça, ce sont des actes de lâcheté de terrorisme qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il faut les appeler terroristes. Il faut les appeler chiens de l'enfer, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les khawarij, que ce sont kilab al-nar, les chiens de l'enfer. Donc la tête de l'affaire, c'est l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Son squelette, c'est la prière, et son sommet, c'est le jihad. Ceci prouve donc que l'islam, c'est le tawhid, et que les actes obligatoires font partie de son droit. Et les jurisconsultes fuqaha sont unanimes sur le fait que l'islam est la condition de la validité de la prière et des autres œuvres. On se rappelle que l'islam, c'est le tawhid. Le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration et de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc c'est pour ça que les fuqaha sont unanimes sur le fait que l'islam est la condition de la validité de la prière et des autres œuvres. Et ce qui est impliqué dans les deux attestations de foi, la ilaha illallah et l'attestation à anna Muhammad Rasulallah, donc le sens de la ilaha illallah annule l'associationnisme et implique le désaveu de l'associationnisme, du polythéisme et de ceux qui le pratiquent. Et cela implique la sincérité dans l'adoration vouée uniquement et exclusivement à Allah seul. Et la foi au messager et à son obéissance, et cela est la signification du troisième verset, où Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens, « Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les parents. » C'est-à-dire, il a ordonné et enjoint, donc, sa parole, « N'adorer ». Cela contient le sens de « La ilah ». Nulle divinité en droit d'être adorée. Et dans sa parole « Que lui », cela contient le sens de « Illallah ». Uniquement Allah. Et Allah le Très-Haut a explicité cela dans sa parole, dans la traduction du sens, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Donc dans sa parole, que nous n'adorions contient le sens de la ilah. Et nulle divinité, ce qui veut dire ici, la ilah, nous n'adorions que lui. Nulle divinité ne mérite l'adoration. Ça veut dire qu'on annule, on invalide toute forme d'adoration pour autre qu'Allah. Et sa parole qu'Allah, c'est la parole de sincérité. Ça veut dire que toi, tu voues l'adoration qu'à Allah Azza wa Jal seul. D'accord ? Car seul lui mérite l'adoration en toute vérité, étant donné qu'Allah est l'unique créateur. Quant à la parole d'Allah Azza wa Jal, la traduction du sens, adorer Allah et ne lui donner aucun associé, adorer Allah et ne lui donner aucun associé, ce verset montre également l'adoration pour laquelle ils ont été créés. Allah Azza wa Jalla a montré l'ordre de l'adoration au même niveau que l'interdiction de l'associationnisme dans l'adoration. Et ce verset prouve donc que la validité de l'adoration est conditionnée. Donc pour que ta adoration soit valide, elle est conditionnée par le fait que tu t'écartes du polythéisme, tu t'écartes de l'associationnisme. Tu le désavoues et tu mécrois en toutes ces choses-là qui sont adorées en dehors d'Allah. Ça, c'est la condition pour que ta ibad soit valide. D'accord ? Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens, mais s'ils avaient associé à Allah, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Parce que celui qui mélange son adoration, il fait ses prières. Il fait ses prières, il l'a fait que pour Allah Azza wa Jalla. D'accord ? Par exemple, on a au bled et qu'il va au niveau d'une tombe et puis il dit « Ouais, mon fils, il a eu, je sais pas, moi, il a eu le bac, je vais égorger un mouton, sacrifier un mouton pour celui qui est mort. » Eh bien, en faisant cela, toutes les prières qu'il a fait, tout le jeûne qu'il a fait, les hajj, les omras, tout ça qu'il a fait, c'est devenu nul, zéro. Comme si qu'il n'avait rien fait. Il a tout invalidé. Allah Azza wa Jalla l'a dit. Mais s'ils avaient associé à Allah, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Et Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens, « En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu associes à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, c'est Allah seul que tu adores et sois du nombre des reconnaissants. » Donc le fait que, littéralement, tout au contraire, c'est Allah que tu adores, vous voyez, lorsqu'on lit le Coran, on doit méditer. Lorsque tu lis, parce que là, je l'ai mis littéralement, tel qu'en arabe c'est écrit, tout au contraire, c'est Allah que tu adores. Tu mets d'abord, c'est Allah que tu adores. Le verbe suit. D'accord ? C'est pas écrit, tu adores Allah. C'est Allah que tu adores. Là, c'est différent. Là. C'est Allah qui précède le verbe ici, que tu adores. Cela restreint l'adoration. Ça veut dire qu'elle est restreinte qu'à Allah Azza wa Jal. Vous voyez, le fait que ça précède le verbe ici, ça fait un hasr, ça veut dire que ça fait restreindre en fait l'adoration que tu adores, ça ne doit être restreint qu'à Allah. D'accord ? Et c'est comme lorsqu'on récite sourate al-Fatiha. Lorsque, vous voyez, vous dites, « Iyaka na'budu ». D'accord ? « Iyaka », c'est toi, ô Allah, que nous adorons. Le fait que le verbe suive, ça restreint que l'adoration ne soit faite qu'à Allah. La demande d'aide, ça restreint que ce ne soit fait qu'à Allah. C'est de toi, Allah, que nous demandons l'aide. Et Allah a confirmé ce tawhid de par sa parole, dans la traduction du sens. Dis, Allah Azza wa Jalla dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire, dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Enfin, la religion est l'adoration en appliquant ce qu'Allah le Très-Haut nous a ordonné et en délaissant ce qu'il nous a interdit, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et l'ordre ainsi que l'interdiction qui sont sa religion, sa récompense le jour de la deuxième rencontre. Ne sois donc pas inattentif, serviteur d'Allah, ne sois donc pas inattentif au tawhid de l'adoration, l'unicité d'Allah dans l'adoration qu'il doit lui être voué seul. On demande à Allah Azza wa Jal de nous augmenter de notre savoir, de nous guider sur la voie droite. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma a'tayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ud-din wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.